Chapitre 37e. Mademoiselle de Boisménil fut doublement surprise de l'invitation que lui adressait Olivier, car cette invitation devait être, pour ainsi dire, préméditée, puisqu'Ernestine ne se trouvait pas alors dans la salle de bal. Aussi, très étonnée, la jeune fille hésitait à répondre lorsqu'Herminie dit gaiement au jeune soldat « J'accepte votre invitation au nom de mademoiselle, monsieur Olivier, car elle est capable de vouloir vous priver du plaisir de danser avec elle afin de me tenir compagnie pendant toute la soirée. » « Puisque mademoiselle a accepté pour moi, monsieur, » reprit Ernestine en souriant, « je ne puis que suivre son exemple. » Olivier s'inclina de nouveau et s'adressant à Herminie, « Je suis arrivé malheureusement bien tard, mademoiselle Herminie, d'abord parce que vous ne touchez plus du piano et puis parce que j'ai appris que vous ne dansez pas. » « En effet, monsieur Olivier, vous êtes arrivé tard, car il m'a semblé vous voir entrer à la fin de la dernière polka que j'ai jouée. Hélas, mademoiselle, vous voyez en moi une victime de ma patience et de l'inexactitude d'autrui. J'attendais un de mes amis qui devait venir avec moi. » Et Olivier regardait Herminie qui rougit légèrement et baissa les yeux. « Mais cet ami n'est pas venu. »« Peut-être est-il malade, monsieur Olivier ?» demanda la duchesse avec une affectation de parfaite indifférence. Quoiqu'elle se sentît assez inquiète. « Non, mademoiselle, il se porte à merveille, je l'ai vu tantôt. Je crois que c'est sa mère qui l'aura retenu, car ce brave garçon n'a aucune force contre la volonté de sa mère. » Ces paroles d'Olivier parurent dissiper le léger nuage qui, de temps à autre, avait, pendant cette soirée, assombri le front de la duchesse. Elle reprit donc gaiement. « Mais alors, monsieur Olivier, vous êtes trop injuste de blâmer votre ami puisque son absence a une si bonne excuse. » « Je ne le blâme pas du tout, mademoiselle Herminie. Je le plains de n'être pas venu, car le bal est charmant et je me plains d'être arrivé si tard. J'aurais eu plutôt le plaisir de danser avec mademoiselle, » ajouta obligeamment Olivier, en s'adressant à mademoiselle de Boisménil, afin de ne pas la laisser en dehors de la conversation. Soudain, à ces mots, « à vos places !» retentirent dans la salle à manger en même temps que les accords du piano. « Mademoiselle, » dit Olivier en offrant son bras à Ernestine, « je suis à vos ordres. » La jeune fille se leva. Elle allait suivre Olivier lorsqu'Herminie, la prenant par la main, lui dit tout bas, « Un instant, Ernestine, laissez-moi ranger votre écharpe, il y manque une épingle. » Et la duchesse, avec une sollicitude charmante, effaça un pli disgracieux de l'écharpe, le fixa au moyen d'une épingle qu'elle prit à sa ceinture, détirait un froncement du corsage de la robe d'Ernestine, rendant enfin à sa nouvelle amie tous ces petits soins coquets que deux bonnes sœurs échangent entre elles. « Maintenant, mademoiselle, » reprit Herminie avec une gravité plaisante, après avoir jeté un coup d'œil sur la toilette d'Ernestine, « je vous permets d'aller danser, mais surtout, amusez-vous bien. » Mademoiselle de Boisménil fut si touchée de la gracieuse attention d'Herminie qu'avant d'accepter le bras d'Olivier, elle trouva moyen d'effleurer d'un baiser la joue de la duchesse en lui disant tout bas, « merci encore. » « Merci toujours !» Et heureuse pour la première fois depuis la mort de sa mère, Ernestine quitta Herminie, prit le bras d'Olivier et le suivit dans la salle de bal. Le jeune sous-officier, d'une figure remarquablement agréable et distinguée, cordial avec les hommes, prévenant avec les femmes, portant enfin avec une rare élégance son charmant uniforme de hussard, rehaussé d'une croix que l'on savait vaillamment gagner, le jeune sous-officier, disons-nous, avait le plus grand succès chez Madame Herbault, et Ernestine, naguère si délaissée, fit des jalousies lorsqu'elle apparut dans la salle de bal au bras d'Olivier. Les femmes les plus ingénues ont à l'endroit de l'effet qu'elles produisent sur les autres femmes une pénétration rare. Chez Mademoiselle de Boisménil, à cette pénétration se joignait la ferme volonté d'observer avec une extrême attention tous les incidents de cette soirée. Aussi, s'apercevant bientôt de l'envie que lui attirait la préférence qu'Olivier montrait pour elle, la reconnaissance de la jeune fille s'en augmenta. Elle n'en doutait pas. Olivier, par bonté de cœur, avait voulu la venger du pénible et presque humiliant délaissement dont elle avait souffert. Ce sentiment de gratitude disposa Mademoiselle de Boisménil à se montrer envers Olivier, un peu moins réservée peut-être qu'il ne convenait dans une position aussi délicate que celle où elle se trouvait. Mise d'ailleurs très en confiance avec le jeune soldat, par cela seulement qu'il paraissait amicalement traité par Herminie, Ernestine se sentit donc très décidée à provoquer toutes les conséquences de l'épreuve qu'elle venait subir. Olivier, en promettant à Mademoiselle Herbault d'engager Mademoiselle de Beauménil, avait seulement obéi à un mouvement de son généreux naturel, car voyant Mademoiselle de Beauménil de loin, il l'avait trouvée presque laide. Il ne la connaissait pas, il ignorait si elle était spirituelle ou sotte. Aussi, enchanté de trouver un sujet de conversation dans l'amitié qui semblait lier Herminie et Ernestine, il dit à celle-ci, pendant un de ces repos forcés que laissent les évolutions de la contredanse, « Mademoiselle, vous connaissez Mademoiselle Herminie? Quelle bonne et charmante personne, n'est-ce pas ?»« Je pense absolument comme vous, monsieur, quoique j'ai vu ce soir Mademoiselle Herminie pour la première fois. »« Ce soir seulement. » »« Cette soudaine amitié vous étonne, n'est-ce pas, monsieur ?»« Mais que voulez-vous ? Quelquefois, les plus riches sont les plus généreux. Ils n'attendent pas qu'on leur demande, ils vous offrent. Il en a été ainsi ce soir d'Herminie à mon égard. »« Je vous comprends, mademoiselle. » « Vous ne connaissez personne ici, et Mademoiselle Herminie, me voyant seule, a eu la bonté de venir à moi. Cela doit, monsieur, vous surprendre moins que tout autre. »« Et pourquoi cela, mademoiselle ?»« Parce que tout à l'heure, » répondit Ernestine en souriant, « vous avez, monsieur, cédé comme Herminie, un sentiment de charité à mon égard, de charité dansante, bien entendu. »« De charité, mademoiselle, cette expression est trop vraie, au contraire. » « Voyons, monsieur, avouez-le. Vous devez, il me semble, toujours dire la vérité. »« Franchement, mademoiselle, » reprit Olivier en souriant à son tour, « ferai-je acte de charité, je suppose. Permettez-moi cette comparaison, en cueillant une fleur oubliée, inaperçue, ou plutôt délaissée. »« Soit, mademoiselle, à la bonne heure. Mais qu'est-ce que cela prouverait ? Sinon le mauvais goût de celui qui aurait préféré, par exemple, à une petite violette, un énorme coquelicot. » Et Olivier montra, d'un regard moqueur, la robuste et grosse jeune fille pour qui Ernestine avait été délaissée, et dont les vives couleurs avaient, en effet, beaucoup d'analogie avec le pavot sauvage. Mademoiselle de Beauménil ne put s'empêcher de sourire à cette comparaison, mais elle reprit en secouant la tête. « Ah, monsieur, si aimable que soit votre réponse, elle me prouve que j'avais doublement raison. Comment cela, mademoiselle? Vous avez eu pitié de moi ? Et vous en avez encore assez pitié pour craindre de me l'avouer ? Au fait, mademoiselle, vous avez raison de vouloir de la franchise. Cela vaut toujours mieux que des compliments. Voilà, monsieur, ce que j'attendais de vous. Eh bien oui, mademoiselle, en voyant que, seule, vous n'étiez pas engagée, je n'ai pensé qu'à une chose, l'ennui que vous deviez éprouver, et je me suis promis de vous inviter pour la contredanse suivante. J'espère que voilà de la sincérité, mais vous l'avez voulu. Certes, monsieur, et je m'en trouve si bien que, si j'osais. Osez, mademoiselle, ne vous gênez pas. Mais non, si franc vous soyez, si ami de la vérité, que vous me supposiez, monsieur, votre sincérité s'arrêterait, j'en suis sûr, à de certaines limites. À celles que vous poseriez, mademoiselle, pas à d'autres. Bien vrai. Oh, je vous le promets. C'est que la question que je vais vous faire, monsieur, devra vous paraître si étrange, si hardie, peut-être. Alors, mademoiselle, je vous dirai qu'elle me paraît étrange ou hardie, voilà tout. Je ne sais si j'oserai jamais. Ah, mademoiselle, dit Olivier en riant, à votre tour, vous avez peur de la franchise. C'est-à-dire que j'ai peur pour votre sincérité, monsieur. Il faudrait qu'elle fût si grande, si rare. Soyez tranquille, mademoiselle, je réponds de moi. « Eh bien, monsieur, comment me trouvez-vous ? Mademoiselle ?» balbutia d'abord Olivier, qui était loin de s'attendre à cette brusque et embarrassante question. « Permettez, je... »« Ah, voyez-vous, monsieur, » reprit gaiement Ernestine, « vous n'osez pas me répondre tout de suite. Mais tenez, pour vous mettre à l'aise, supposez qu'en sortant de ce bal et rencontrant un de vos amis, vous lui parliez de toutes les personnes avec qui vous avez dansé. » Que diriez-vous de moi à votre ami si, par hasard, vous vous souveniez que j'étais l'une de vos danseuses ? Oh mon Dieu, mademoiselle, reprit Olivier en se remettant de sa surprise, je dirais tout uniment ceci à mon ami, j'ai vu une jeune demoiselle que personne n'invitait. Cela m'a intéressé à elle, je l'ai engagée, tout en pensant que notre entretien ne serait peut-être pas fort amusant, car ne connaissant pas ces demoiselles, je n'avais à lui dire que des banalités. « Eh bien, pas du tout. Grâce à ma danseuse, notre entretien était très animé. Aussi, le temps de la contredanse a-t-il passé comme un songe. »« Et cette jeune personne, vous demandera peut-être votre ami, monsieur, était-elle laide ou jolie ? De loin, répondit intrépidement Olivier, je n'avais pas bien pu distinguer ses traits, mais en la voyant de près, à mesure que je l'ai regardée plus attentivement et que je l'ai surtout entendue parler, j'ai trouvé dans sa physionomie quelque chose de si doux, de si bon, une expression de franchise si avenante, que je ne pensais plus qu'elle aurait pu être jolie. Mais, reprit Olivier, j'ajouterai, toujours parlant à mon ami, ne répétez pas ces confidences, car il n'y a que les femmes de bon esprit et de bon cœur qui demandent et pardonnent la sincérité. C'est donc à un ami discret que je parle, mademoiselle. Et moi, monsieur, je vous remercie. Je vous suis reconnaissante, profondément reconnaissante de votre franchise, dit mademoiselle Beauménil d'une voix si émue, si pénétrante, qu'Olivier, surpris et ému lui-même, regarda la jeune fille avec un vif intérêt. À ce moment, la contredanse finissait. Olivier reconduisit Ernestine auprès d'Herminie qui l'attendait, puis, très frappé du singulier caractère de la jeune fille qu'il venait de faire danser, le sous-officier se retira à l'écart quelque peu rêveur. « Eh bien, dit affectueusement Herminie à Ernestine, vous vous êtes amusée, n'est-ce pas ? Je le voyais à votre figure. Vous avez causé tout le temps que vous ne dansiez pas. C'est que M. Olivier est très aimable, et puis, sachant que vous le connaissiez, Herminie, cela m'a mise tout de suite en confiance avec lui. Et il le mérite, je vous assure, Ernestine. Il est impossible d'avoir un plus excellent cœur, un caractère plus noble. Son ami intime, et la duchesse rougit imperceptiblement, me disait que M. Olivier s'occupe des travaux les plus ennuyeux du monde, afin d'utiliser son congé et de venir en aide à son oncle, ancien officier de marine, criblé de blessures, qui demeure dans la maison et qui n'a pour vivre qu'une petite retraite insuffisante. Cela ne m'étonne pas du tout, Herminie. J'avais deviné que M. Olivier avait bon cœur. Avec cela, brave comme un lion. Son ami, qui servait avec lui dans le même régiment, m'a cité plusieurs traits d'admirable bravoure de M. Olivier. Il me semble que cela doit être. Je me suis toujours figuré que les personnes très braves devaient être très bonnes, répondit Ernestine. Vous, par exemple, Herminie, vous devez être très courageuse. L'entretien des jeunes filles fut interrompu de nouveau par un danseur qui vint inviter Ernestine en échangeant un regard avec Herminie. Ce regard, mademoiselle de Beauménil le surprit et il la fit rougir et sourire. Elle accepta néanmoins l'engagement pour la contredanse qui allait commencer dans quelques instants. Le danseur éloigné, Ernestine dit gaiement à sa nouvelle amie « Vous m'avez mise en goût d'être dangereuse, et je le deviens prodigieusement, ma chère Herminie. Et à propos de quoi me dites-vous cela, Ernestine ? Cette invitation que l'on vient de me faire, eh bien, c'est encore vous, encore moi. Vous vous êtes dit, il faut au moins que cette pauvre Ernestine danse deux fois dans la soirée. Tout le monde n'a pas le bon cœur de M. Olivier. Or, je suis reine ici, et j'ordonnerai à l'un de mes sujets. » Mais le sujet de la reine Herminie vint dire à mademoiselle de Beauménil « Mademoiselle, on est en place. »« À tout à l'heure, mademoiselle la devineresse, » dit Herminie à mademoiselle de Beauménil en la menaçant affectueusement du doigt. « Je vous apprendrai à être si fière de votre pénétration. » À peine, la jeune fille venait-elle de s'éloigner avec son danseur, qu'Olivier, s'approchant de la duchesse, s'assit auprès d'elle et lui dit « Mais quelle est donc cette jeune fille avec qui je viens de danser ?»« Une orpheline qui vit de son état de brodeuse, monsieur Olivier, et qui, je le pense, n'est pas très heureuse, car vous ne pouvez vous imaginer avec quelle expression touchante elle m'a remercié de m'être occupée d'elle ce soir. C'est cela qui nous a soudain rapprochés l'une de l'autre, car je ne la connais que d'aujourd'hui. » C'est ce qu'elle m'a dit, en parlant naïvement de ce qu'elle appelle votre pitié et la mienne. Pauvre petite, il faut qu'elle ait été bien maltraitée, qu'elle le soit peut-être encore, pour se montrer si reconnaissante de la moindre preuve d'intérêt qu'on lui donne. Elle est avec cela fort originale. Vous ne savez pas, mademoiselle Herminie, la singulière question qu'elle m'a faite en invoquant ma franchise ? Non. Elle m'a demandé si je la trouvais laide ou jolie. Quelle singulière petite fille ! Et vous lui avez répondu ? La vérité, puisqu'elle la demandait. Comment, monsieur Olivier, vous lui avez dit qu'elle n'était pas jolie ? Certainement, mais en ajoutant, et c'était aussi la vérité, qu'elle avait l'air si doux, si franc, qu'on oubliait qu'elle aurait pu être belle. Ah mon Dieu, monsieur Olivier, dit Herminie presque avec crainte. C'était dur à entendre pour elle. Et elle n'a pas semblé blessée ? Pas le moins du monde, au contraire. Et c'est cela, surtout, qui m'a frappé. Lorsqu'on pose des questions de cette nature, « Soyez franc » veut ordinairement dire « mentez ». Tandis qu'il m'a remercié de ma sincérité en deux mots, mais avec un accent si pénétré, si touchant, et surtout si vrai, que malgré moi j'en ai été tout ému. Savez-vous ce que je crois, monsieur Olivier ? C'est que la pauvre créature aura été très durement traitée chez elle. On lui aura peut-être dit 100 fois qu'elle était laide comme un petit monstre, et se trouvant sans doute pour la première fois de sa vie en confiance avec quelqu'un, elle aura voulu savoir de vous la vérité sur elle-même. Vous avez probablement raison, mademoiselle Herminie. Et ce qui m'a touché comme vous, c'est de voir avec quelle reconnaissance cette pauvre jeune fille accueille la moindre preuve d'intérêt, pourvu qu'elle la croie sincère. Figurez-vous, monsieur Olivier, que parfois j'ai vu de grosses larmes rouler dans ses yeux. En effet, il me semble que sa gaieté doit cacher un fond de mélancolie habituel. Elle cherche à s'étourdir, peut-être. Et puis, malheureusement, son état, qui demande beaucoup de travail et de temps, est peu lucratif, pauvre enfant. Si les préoccupations de la pauvreté viennent se joindre à ses autres chagrins... Cela n'est que trop possible, mademoiselle Herminie, dit Olivier avec sollicitude. Elle doit être en effet bien à plaindre. Mais silence, la voilà, dit Herminie. Puis elle ajouta, ah mon Dieu, elle met son châle, on nous l'emmène. En effet, Ernestine, derrière qui marchait madame l'aînée d'un air imposant, s'avança dans la chambre à coucher et fit à Herminie un signe de tête qui semblait dire qu'elle partait à regret. La duchesse alla au-devant de son amie et lui dit « Comment, vous nous quittez déjà ?»« Il le faut bien, » répondit Ernestine en accusant d'un petit regard sournois l'innocente madame l'aînée. « Mais au moins vous viendrez dimanche, ma chère Ernestine. Vous savez que nous avons 1000 choses à nous dire. »« Oh, j'espère bien venir, ma chère Herminie. J'ai autant que vous le désir de vous revoir bientôt. » Et faisant un salut gracieux au jeune sous-officier, Ernestine lui dit « Au revoir, monsieur Olivier. » « Au revoir, mademoiselle, » répondit le jeune soldat en s'inclinant. Une heure après, mademoiselle de Beauménil et madame l'aînée étaient de retour à l'hôtel de la Roche-Aiguë.